Le lendemain, le professeur assiste au retour d'une pêche avec des filets copieusement garnis, gage d'un approvisionnement de vivres d'une excellente qualité que la rapidité du Nautilus et l'attraction de sa lumière électrique pouvaient renouveler sans cesse. Ces divers produits de la mer furent immédiatement descendus vers les cambuses, destinés les uns à être mangés frais, les autres à être conservés. Au cours des semaines suivantes, le Nautilus franchit dans l'hémisphère nord le tropique du Cancer, puis l'équateur avant d'apercevoir les îles Marquises. Après avoir quitté ces îles charmantes protégées par le pavillon français, du 4 au 11 décembre, le Nautilus parcourut environ 2000 milles. Cette navigation fut marquée par la rencontre d'un immense troupeau de calmars, curieux mollusques, très voisins de la sèche. Le 11 décembre s'offre le triste spectacle d'un navire naufragé dont le Nautilus fait le tour. Je pus lire sur son tableau d'arrière, Florida, Sunderland.